10-25, actuation, dictée. Écoutez, puis complétez. A. Venir. 1. Vous venez avec nous au cinéma? 2. Non, moi, je ne viens pas, je suis occupé. 3. Mais Robert vient puisqu'il ne travaille pas. 4. Et Mireille et Cécile? Non, elles ne viennent pas, elles travaillent. 2. Connaître et savoir. 1. Vous connaissez Belle-Île-en-Mer? 2. Non, je ne connais pas Belle-Île, mais je sais que c'est en Bretagne. 2. Est-ce que Robert connaît Madame Courtois? Non, mais il sait où elle habite. 3. Vous connaissez la mère de Mireille, vous deux? Non, nous ne la connaissons pas. Mais nous savons qu'elle travaille au ministère de la Santé. 4. Les parents de Mireille connaissent Robert? Non, ils ne le connaissent pas, mais ils savent qu'il est américain.